بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc bienvenue à tous, ahlan wa sahlan wa marhaban bi jami'il hudur, hayyakum Allah. Donc comme cela a été annoncé, nous allons commencer une nouvelle série de cours intitulée « Sur le chemin de la Hijra ». Et ça me tenait à cœur de dispenser cette série de cours, car à chaque fois où j'ai eu à m'exprimer sur le sujet de la Hijra, je n'ai pas pu rentrer dans les détails et aborder certains de ces aspects, et cela faute de temps. Et aussi, ikhwani fillah, car ce sujet est très important. Surtout pour celui qui habite dans un pays mécréant. Mais malgré son importance, il n'est pas assez mentionné. Un sujet tel que la Hijra mérite d'être évoqué plus souvent, que ce soit dans les cours, dans les rappels ou autres. Et ici, je profite de l'occasion pour vous relater une anecdote dans le but qu'on se rappelle l'importance de ce sujet et aussi pour rappeler à nos frères en Allah subhanahu wa ta'ala qui prêchent qu'il ne convient pas de se taire sur ce sujet. Et certes, le rappel profite aux croyants. Il y a une dizaine d'années environ, l'un des savants yéménites, qui n'est d'autre que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wasabi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a visité le centre dans lequel on étudiait à l'époque au Yémen. Et il a par la même occasion dispensé quelques conférences. Et lors de cette visite, il fut questionné sur la Hijra. Et parmi les questions qui étaient à l'ordre du jour, il y avait la question suivante: quel est votre conseil pour ceux qui prêchent dans les pays mécréants et qui n'appelle pas les musulmans à faire la hijra vers les pays musulmans. Il répondit qu'Allah lui fasse miséricorde. Ils sont considérés fautifs, car résider dans les pays mécréants est à la base interdit. Et les cas où cela est permis sont soumis à des règles restrictives et sont des exceptions. Mais sinon la base est l'interdiction, comme cela est venu dans de nombreux hadiths, tels que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Je me désavoue de toute personne résidant parmi les polythéistes. » Il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, « Le musulman et les polythéistes ne doivent pas voir le feu de l'un de l'autre. » C'est-à-dire que les musulmans ne voient pas le feu des mécréants, car une grande distance les sépare. Et de la même manière, les mécréants ne voient pas le feu des musulmans, car ils sont loin des autres. Et il n'y a aucun doute que la résidence d'un musulman dans une terre d'islam est meilleure pour lui, dans cette vie et dans l'au-delà, ainsi que pour son épouse et ses enfants. Ses fils pourront apprendre la science et le Coran. Ses filles apprendront auprès des femmes la science et le Coran. Son épouse apprendra, lui-même apprendra. Ils écouteront l'Aven en tout lieu, à l'heure des prières. Il rencontrera ses frères. Ils se feront leur appel et se conseilleront. Alors qu'en résidant dans les pays des mécréants, tu t'égares. Tu égares ton épouse et tes enfants. L'heure de la prière arrive et tu n'écoutes pas l'Aven. Tu es témoin de nombreuses choses blâmables. Si tu ne les réprimandes pas, ne serait-ce que par ton cœur, tu es alors dans le péché, comme si tu l'avais fait. Si tu ne le réprimandes ni par ta main, ni par ta langue, ni par ton cœur, cela veut dire que tu les agrées. Si le cœur ne réprimande pas ces choses, cela veut dire qu'il les agrée. Et celui qui agrée ces choses est comme celui qui les a faites. Ensuite, Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab al-Wasabi, il dit par la suite, Rahimahullah, dans le hadith de Al-Urs Ibn Amira, Al-Kindi qu'Allah l'agré, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si un péché est commis sur terre, ceux qui sont présents et l'ont réprimandé sont comme ceux qui n'étaient pas présents. Et ceux qui n'étaient pas présents et l'ont agréé sont comme ceux qui ont assisté. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et Cheikh Al-Albani rahmahullah l'a déclaré bon dans plusieurs de ses livres. Donc comme tu viens d'écouter, si un péché est commis sur terre, celui qui est présent, c'est-à-dire que ce péché a été commis en sa présence, mais l'a réprimandé, est comme celui qui n'y a pas assisté, c'est-à-dire comme s'il n'avait pas été présent. Il n'est alors aucunement touché par ce péché, car il l'a réprimandé. Et peu sont ceux qui réprimandent, et c'est Allah que l'on demande l'aide. Il est donc comme celui qui n'était pas présent au niveau du péché. Cependant, il est récompensé pour avoir réprimandé. Quant à celui qui n'était pas présent mais a agréé, il a seulement été informé que dans tel pays, ils font telle et telle chose. Son cœur est serein, alors que c'est un péché. Et ceux qui n'étaient pas présents et l'ont agréé sont comme ceux qui ont assisté. Ensuite, il dit, Rahimahullah, c'est comme s'il y avait participé, même si le péché est commis à l'autre bout du monde. Son cœur les a réunis, car il est à l'aise. Résider dans les pays de mécréants est donc un mal et une adversité. Nous demandons à Allah de nous en préserver. Et nous leur disons, ô mes frères, ne vous souciez pas de ce bas monde. Ne soyez pas hésitants que ce monde éphémère et le confort matériel ne vous conduisent pas à oublier la hijra vers les terres d'islam pour vous y installer. Que cela ne vous fasse pas oublier de vous appliquer dans l'adoration avec les musulmans et vous soucier de vous-même ainsi que de vos épouses et vos enfants. En ce qui concerne l'apprentissage, prenez garde à ne regarder que devant vous et prenez garde à l'amour de l'aisance mondaine, car ceci vous fera perdre beaucoup de bienfaits de l'au-delà, ainsi que la science, l'adoration et l'obéissance. Cependant, si cette personne est un prêcheur et qu'il ne réside en pays mécréant que pour prêcher, enseigner l'islam aux gens et propager le bien parmi les musulmans, nous disons alors que ceci fait partie des exceptions, comme quelqu'un qui réside en pays mécréant pour étudier une science. Mais pour cela, il y a des règles précises. Ce n'est pas permis de manière générale. Ce n'est pas tout étudiant qui peut se déplacer vers les pays mécréants, mais seulement celui qui se soumet aux règles légiférées. Ensuite, il finit, rahimahullah, et il dit « Et si vous reveniez aux fatwas des savants, vous découvrirez beaucoup de bien sur ce sujet à propos de l'interdiction de résider dans les pays mécréants et les conditions restrictives à remplir pour y résider. Et c'est d'Allah qu'on obtient la réussite. » Fin de citation de la réponse de l'éminent savant Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab Al-Wasabi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et pour ceux qui ne connaissent pas Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab Al-Wasabi, il est l'auteur de nombreux livres. Parmi eux, le livre intitulé « Leçon de Tawhid », qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et donc, ikhwani fillah, c'est une bonne occasion de traiter différents sujets relatifs à la hijra, tels que sa définition, son jugement, le rôle de la femme dans la préparation à la hijra, ainsi que le rôle de l'homme, les causes pour l'accomplir, les erreurs à éviter et bien d'autres sujets. Et comme je l'ai dit précédemment, ce cours a été nommé sur le chemin de la hijra, car celui qui veut faire la hijra passe par plusieurs étapes et il lui faut savoir certaines choses et il a besoin de connaître certaines choses et de savoir les choses à éviter. Et cette série de cours sera pour celui qui veut faire la hijra comme une feuille de route pour le voyageur, incha'Allah. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre ces cours profitables et de me donner la sincérité dans la parole et l'action. Donc dans ce cours, nous allons nous attacher à définir la hijra. Car définir une chose avant son explication est une habitude des savants. En effet, lorsqu'ils commencent à parler d'un sujet, en règle générale, ils la définissent linguistiquement et aussi dans la législation. Dans les livres de jurisprudence, lorsqu'ils parlent de la prière, par exemple, ils commencent par la définir linguistiquement. Ensuite, ils la définissent dans la législation et ils vont utiliser le même procédé pour la plupart des sujets de la religion. Et concernant la hijra, il est très important de connaître sa définition pour avoir une bonne compréhension. Donc la hijra vient du mot « hajrun » qui signifie « délaisser ». C'est-à-dire le fait que la personne délaisse quelque chose. Et ce délaissement est de trois types. Le premier est le délaissement avec le corps. Le deuxième, c'est le délaissement avec la langue. Et le troisième, c'est le délaissement avec le cœur. Concernant le délaissement avec le corps, nous avons le verset 34 de Sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, et si elles persistent, délaissez leur couche, et si elles persistent, corrigez-les. Et pour le délaissement avec le cœur et la langue, nous avons le verset 30 de Sourate Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Le messager dit: Seigneur, mon peuple a vraiment délaissé ce Coran. Donc voici la définition linguistique de la hijra. Donc c'est le fait de délaisser quelque chose. Et ce délaissement, il peut être avec le corps, avec le cœur, ou bien avec la langue. Donc passons maintenant à sa définition d'un point de vue de la législation. L'éminent savant Ibn Mulaqqin, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son livre intitulé « Al-Mu'in » « Ala tafahumi al-arba'in al-nawawiyya » que la hijra dans la législation consiste à délaisser une terre de mécréance vers une terre d'islam, par peur des troubles et pour accomplir la religion. Donc la hijra, c'est délaisser une terre de mécréance, telle que la France, la Belgique, la Suisse ou autre, vers une terre d'islam, telle que l'Algérie, l'Égypte, la Mauritanie ou autre, par peur des troubles. Car en terre de mécréance, les troubles sont nombreux. Et en y restant, le musulman s'y expose et peut finir par tomber dans ces troubles. Et en délaissant la terre de mécréance, il mettra lui et sa famille en sécurité. En plus de cela, il délaisse cette terre pour accomplir sa religion et pour la pratiquer. Car en terre de mécréance, il y est difficile de pratiquer sa religion correctement. Car l'islam n'est pas apparent et il n'est pas majoritaire. Et le musulman n'est pas serein dans sa religion. Et souvent, il doit faire des concessions dans sa religion. Il devra parfois délaisser certaines pratiques de l'islam, souvent par peur d'être mal vu, ou même de peur d'être puni par la loi. Et nous avons un très bon exemple dans le sacrifice, le jour du Eid. De plus, c'est probable que dans ces pays, ils finissent par banaliser la mécréance et le polythéisme à force de vivre en terre de mécréance. Pourtant, ce sont les deux choses les plus graves en islam, et ceci aura un impact sur sa foi et sur sa religion. Pour l'adolescente musulmane, il lui sera difficile de porter le voile en paix et en toute sérénité, car ceci, en général, est mal vu. Elle sera confrontée à de nombreuses difficultés qui finiront parfois à l'user mentalement. C'est pour cela que certains d'entre elles, à part celles à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, finiront par l'enlever. La religion sera parfois un sujet sensible et le musulman devra parfois faire tête basse, alors que le musulman doit être fier de ses convictions, fier de sa religion, fier des pratiques de l'islam. Et donc, avec la hijra, il pratiquera sa religion d'une meilleure manière et il retrouvera la fierté que doit avoir tout musulman. Et on tire de ces deux définitions plusieurs enseignements. Le premier enseignement est que lorsqu'on parle de hijra, on parle de délaisser, on parle du délaissement. Et cette chose n'est pas anodine, car en vérité, elle servira à celui qui veut faire la hijra, tout comme elle servira à celui qui l'a déjà fait. Celui qui veut faire la hijra doit comprendre qu'il doit délaisser le pays mécréant dans lequel il vit. Et donc, de ne pas se mettre dans la tête dès le départ qu'il fera des allers-retours, comme c'est le cas de certains. En effet, certains, ikhwani fillah, lorsqu'ils commencent à faire les causes pour la hijra, ils ont déjà dans l'idée de ne pas se stabiliser dans le pays musulman et qu'ils vont plutôt faire des allers-retours, garder leur appartement, leur travail, et tout ce qui s'ensuit en terre de mécréance. Et ceci est une erreur et une mauvaise compréhension, car celui qui fait la hijra doit délaisser la terre de mécréance, et à la base, il ne doit pas y retourner pour un oui ou pour un non. Et ceci est la base. Il peut bien sûr avoir une certaine situation qui le contraint à y retourner. Mais la base est qu'il doit rester en terre d'islam et se maintenir. Et ce point-là, comme nous l'avons dit précédemment, servira aussi à celui qui a déjà fait la hijra. Car des fois, celui qui a déjà fait la hijra a tendance à oublier que la hijra signifie le délaissement. Et donc, il a tendance à retourner en terre de mécréance très facilement, sans réelle raison. Et il va parfois délaisser les causes pour se maintenir en terre d'islam, car il y a une facilité en France pour du travail ou autre, et ceci est une erreur. Le deuxième enseignement qu'on tire de cette définition est que la personne qui fait la hijra, en vérité, elle fuit les troubles. Et c'est donc l'une des causes pour laquelle elle délaisse la terre de mécréance. Et si elle est consciente de cela, alors elle va s'empresser de faire les causes pour pouvoir émigrer et se mettre à l'abri des troubles. Et de ce fait, elle ne va pas toujours repousser la hijra ou mettre des conditions pour celle-ci qui vont être un frein pour elle. Beaucoup de personnes, ikhwani fillah, prennent tout leur temps pour accomplir la hijra, comme s'ils ont la certitude de toujours être préservés des nombreux troubles qui se trouvent en terre de mécréance, car ils n'ont sûrement pas mesuré dans quoi ils vivent et les choses néfastes qui les entourent. Savoir que celui qui émigre fuit les troubles sera certes une source de motivation pour celui qui est en terre d'islam pour s'y maintenir et s'y stabiliser. Car celui qui a fait la hijra souvent a tendance à oublier les nombreux troubles qui se trouvent en terre de mécréance, ou bien même à les minimiser. Et ceci va être une cause qui les retourne facilement. Le troisième enseignement parmi les buts de la hijra, l'accomplissement de la religion. Et ce point, ikhwani fillah, est très important. Et ici, j'attire votre attention sur un point essentiel. Il est impératif d'avoir une bonne compréhension de la hijra. Et ceci car certaines personnes ont une mauvaise conception de celle-ci. Et ceci est souvent une cause qu'il retarde la hijra ou bien même qu'il la délaisse dans certains cas. Par exemple, certains ont dans l'idée que la hijra c'est un peu comme une retraite. Et donc, selon eux, il faut absolument une très grosse somme d'argent. Il faut absolument un bien sur place, avoir une excellente situation, émigrer dans un pays où il y a des ulama, des savants. Et donc, tant qu'ils n'ont pas cela, ils ne feront pas la hijra. Un peu comme nos parents qui ont quitté l'Afrique vers la France pour travailler et qui rentrent une fois avoir travaillé et après avoir amassé de l'argent, construit leur maison. Ils rentrent dans leur pays d'origine pour passer leurs vieux jours paisiblement. Et malheureusement, certains ont le même état d'esprit vis-à-vis de la hijra. Et il n'y a pas de doute que ceci est une compréhension erronée, car lorsqu'on dit hijra, on parle en premier de préserver sa religion. On parle en premier, Khwanifillah, de préserver sa religion. Et ceci est l'un des objectifs majeurs de la hijra. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite.